Zacharie chapitre 9. La charge de la parole de l'Éternel contre le pays d'Adrach, laquelle se posera sur Damas, car l'Éternel a l'œil sur les hommes, et sur toutes les tribus d'Israël. Même aussi Hamath, et Tyr, et Sidon, en seront bornés, quoique chacune d'elles soit fort sage. Car Tyr s'est bâti une forteresse, et a amoncelé l'argent comme de la poussière, et le fin or comme la boue des rues. Voici, le Seigneur l'appauvrira, et en la frappant il jettera sa puissance dans la mer, et elle sera consumée par le feu. Askelon le verra, et craindra, Gaza aussi le verra, et en sera comme en travail d'enfant, et Écron aussi, parce que sa quoi elle regardait l'aura rendue confuse, et il n'y aura plus de roi à Gaza, et Askelon ne fleurira plus. Et le bâtard habitera à Asdo, et je retrancherai l'orgueil des Philistins. Mais j'ôterai leur sang de la bouche de chacun d'eux, et leurs abominations d'entre leurs dents, et lui aussi sera réservé pour notre Dieu, qui sera comme chef dans Juda, et Écron sera comme le Jébusien. Et je me camperai autour de ma maison, à cause de l'armée, et à cause des allants et venants, et l'exacteur ne passera plus parmi eux, car maintenant je la regarde de mes yeux. Que ta joie soit vive, fille de Sion, jette des cris de réjouissance, fille de Jérusalem, voici, ton roi viendra à toi, étant juste, et qui se garantit par soi-même, abject, et monté sur un âne, et sur un ânon, poulain d'une ânesse. Et je retrancherai d'Ephraïm les chariots, et de Jérusalem les chevaux, et l'arc de la bataille sera aussi retranché, et le roi parlera de paix aux nations, et sa domination s'étendra depuis une mer jusqu'à l'autre mer, et depuis le fleuve jusqu'au bout de la terre. Quant à toi aussi à cause du sang de ton alliance, je mettrai tes prisonniers hors de la fosse où il n'y a point d'eau. Retournez à la forteresse, vous prisonniers qui avez espérance, même aujourd'hui je t'annonce que je te rendrai le double. Après que je me serai tendu Juda comme un arc, et que j'aurai rempli Ephraïm comme un carquois, et que j'aurai, ô Sion, réveille tes enfants contre tes enfants, ô Jaban, et que je t'aurai mis comme l'épée d'un puissant homme. Alors l'Éternel se montrera contre eux, et ses dards partiront comme l'éclair, et le Seigneur, l'Éternel, sonnera du cor, et marchera avec les tourbillons du midi. L'Éternel des armées sera leur protecteur, et ils mangeront après avoir subjugué ceux qui tirent les pierres de fronde, ils boiront en menant du bruit comme des hommes ivres, ils se rempliront de vin comme un bassin, et comme les coins de l'autel. Et l'Éternel, leur Dieu, les délivrera en ce jour-là, comme étant le troupeau de son peuple, même des pierres couronnées seront élevées sur sa terre. Car combien sera grande sa bonté, et combien sera grande sa beauté. Le froment fera croître les jeunes hommes, et le vin doux rendra ses vierges éloquentes.